La série entre les Saguenay de Chicoutimi et les Huskies de Rouyn-Noranda est maintenant 2 à 2. Hier, les Saguenay de Chicoutimi ont livré un très fort match. Ils ont défait les Huskies par la marque de 6 à 1. Le meilleur joueur pour les Saguenay a été Vincent Tremblay-Lapalme. Il a marqué un but et amassé une passe. Également dans le match, on a été que Julien Labbé Carignan a marqué un but, de même que Nicolas Roy, Kelly Climat et de même que Frédéric Allard ont marqué. Également du côté des Saguenay, on a noté les deux passes de Dimitri Zoukenov. Les Saguenay qui pourraient voir leur vétéran de 20 ans, Joey Ratel, être suspendu puisqu'il a donné un double échec au visage de Tyler Heenan. Et on devra en savoir davantage aujourd'hui. Ça a donné d'ailleurs une suspension, une punition de 5 minutes aux Saguenay. Ils se sont très bien défendus. Ça a probablement été le fait saillant de la rencontre. Le prochain match aura lieu vendredi soir au Centre Georges Vézina. La série d'égal 2 à 2. Hier, dans la Ligue américaine de hockey, on surveille évidemment Samuel Girard. Samuel Girard qui a joué contre les Admirals de Milwaukee. Les Admirals qui l'ont emporté 2 à 1 contre Rockford. Girard a été blanchi encore une fois. Il a lancé au filet à une reprise. Année très très positive au centre de ski de Toboski de Saint-Félicien. Tout comme à Dolbeau-Missassini, la neige était au rendez-vous, ce qui a facilité énormément l'organisation du Toboski, explique Sylvie Quentin. La neige en masse, malgré certaines périodes peut-être un petit peu plus froides à l'occasion, mais l'hiver au Québec, c'est l'hiver au Québec, ça faut faire avec. On peut pas chialer vraiment sur l'hiver qu'on a eu là, pour le monde du ski, ça a été vraiment une très belle... Et les clubs de compétition qui sont reliés au Toboski de Saint-Félicien ont très très bien performé cette année. Le club Avalanche, ouais. Notre club de compétition au niveau du ski alpin, a encore super bien performé cette année. Les jeunes-là sont très bien entourés. Il y a une bonne équipe de coachs autour d'eux. Au niveau régional, ça performe très, très, très bien. OK. Si on parlait maintenant aussi des projets, Et dans un dernier temps, Sylvie Quentin mentionne qu'il n'y a pas vraiment de projets qui sont vraiment dans les cartons ou sur la table à dessin pour le centre de ski de Toboski. Par contre, on désire évidemment continuer à développer le fat bike. On n'a pas de gros projets en tant que tel là, de prévu tout ça. Par contre, on continue à développer chez nous le fat bike là, qui est un sport qui est vraiment en progression là, cette année. On a eu beaucoup de cartes de saison. Ça a été un petit peu du day-to-day pour l'organisation, tout ça aussi, l'entretien des sentiers, on a fait des expériences, on a essayé des choses, tout ça. C'est vraiment un sport là, qui prend beaucoup d'ampleur chez nous. La saison de golf est vraiment à nos portes et le club de golf de Saint-Prime se montre très, très agressif pour recruter de nouveaux membres. La carte de membres va enregistrer une baisse de près de 20% cette année et Gilles Larroux explique évidemment toute cette baisse. Cette année, à chaque année, on tente d'innover. Disons que nos prix n'avaient pas augmenté dans les deux dernières années. Mais si on se souvient, auparavant, les membres avaient eu de fortes augmentations pour pouvoir permettre la survie du club. Okay. Actuellement, je fais un petit parallèle, c'est qu'on a vendu plusieurs terrains. Ouais. Notre développement va très bien. Alors, c'est une année de renouveau, si on veut, pour le club de golf de Saint-Prime. Alors, afin de soulager et d'augmenter surtout le membership, on veut accroître, la fréquentation du terrain. On a baissé nos prix de 100 $ cette année. Oh, c'est une pour toutes les membres. Et dans un deuxième temps, Gilles Larouche a indiqué qu'il va avoir une stratégie pour développer encore le golf qui ne s'arrêtera pas juste à la baisse de la carte de membre. Oui, la municipalité également. Oui, puisque tu as dit, on l'a dans nos cibles. Les villes qui nous sont avoisinantes, on se parle de Robertval, on se parle de Saint-Prime, on parle également de Machtoyas et de Saint-Félicien. On est en communication avec les services des loisirs. On a des rencontres au niveau, que ce soit au niveau politique ou autre, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et nous... ce qu'on veut offrir, c'est que dans l'après-midi, dans tous les clubs de golf, c'est un peu moins achalandé. Alors, de développer des camps de jeunes, que ce soit avec des aînés, des chevaliers de colons ou autres, okay. On a de l'espace pour eux, puis on veut créer une dynamique, puis on veut vraiment que cette année, on est en progression à ce niveau-là, mais le club de golf, c'est le club de golf des gens qui nous visitent. Ah, OK, OK. Ben oui. Et encore cette année, il y aura une belle brochette de tournois de golf pour les golfeurs cette année à Saint-Prime. Oui. Disons que les tournois, on affiche pratiquement complet. Parce qu'on veut pas, on veut laisser de l'espace aussi pour le joueur journalier, pour nos membres. Et on va avoir différentes activités parce que dès les premiers jours de l'ouverture, les gens vont pouvoir aller sur le nouveau parcours. On a 18 nouveaux trous. C'est vraiment cette année, là, on a terminé nos travaux. On vient de terminer, je te dirais, en janvier. Au niveau des travaux, l'installation des ponts, il va nous rester quelques arbres à planter. Et cette année, la cible, c'est vraiment le côté esthétique. Les verres, les fosses de sable, on a même acheté de la machinerie nouvelle pour avoir des verres d'une très grande qualité parce que l'an prochain, on sait qu'on a un rendez-vous qui nous attend, c'est le championnat junior. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Diane Barabé, qui a été la première Québécoise à arbitrer au Masters au cours du week-end à Augusta. Également, je me suis entretenu avec une table ronde avec Marc Fortier et Stéphane Lebeau, où on parle évidemment de la série Canadiens Rangers. Hier, les Rangers l'ont emporté 2-0 pour prendre devant 1-0 dans la série. Je me suis également entretenu aussi avec Gilles Larouche, le directeur général du club de golf de Saint-Prime. Et vous pouvez écouter la dernière entrevue également de la journée hier avec Sylvie Quentin, qui est la directrice générale du centre de ski de Toboski. Le sport local et régional à danradiosport.com, on s'en occupe.